Oh, venons chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons devant de lui avec des louanges, faisant retentir des cantiques en son honneur. Oui, Seigneur, je vais te dire un mot, Seigneur. Je veux te dire mon désir, ô roi. Je veux te dire mon désir. Je veux te dire combien je t'aime. Je veux te dire combien je t'aime. Ah oui, je veux te dire combien tu es grand. Je veux te dire combien tu es grand. Ah oui, chantons mon désir. Tu es ma raison de vivre, Seigneur. Tu es ma raison de vivre. Mon espoir, Yahweh. Tu es mon espoir, Seigneur. Mon désir, mon désir. Tous les jours, tous les jours. Tu es mon désir, tous les jours. Seigneur Jésus, je veux te louer, je veux t'adorer, je veux t'exalter, je veux te magnifier, ô roi, ô roi. Mon désir de te louer et de te servir, c'est mon désir de tout le temps, de tous les jours. Je t'aime, Seigneur.